J'allume ma radio, aussitôt arrivé. Siga et Zoom, Omaloya, c'est la musique des îles. C'est pourquoi je demande de danser, de chanter.